premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux micro-États. Aujourd'hui, les micro-États paradis fiscaux. Demain, nous vous parlerons du Vatican, mercredi de Fiume, jeudi, le documentaire nous rappellera ce qu'était, ce que fut et ce que pourrait être encore peut-être la République des Escartons. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons nous intéresser à une histoire difficile à analyser et même une histoire difficile à faire, pleine de mystères, de mythes et d'idées reçues, celle des micro-États paradis fiscaux. Nous en parlerons avec Christophe Farquet, historien à l'Université de Fribourg, qui est l'auteur aux presses de Sciences Po, donc en France, l'année dernière, de Histoire du paradis fiscal suisse. Et puis, à la toute fin de cette émission, nous évoquerons la disparition de Josette Audin, qui passa plus de 50 ans, 60 ans même, pour faire sortir la vérité sur la mort de son mari, le mathématicien Maurice Audin, en 1957, en Algérie. L'historienne de la guerre d'Algérie, qui est donc Sylvie Thénault, nous expliquera ce que fut le combat de Josette Audin. Paradis fiscaux, paradis mafiosos. Nous sommes là pour mettre ce sujet des paradis fiscaux au centre du débat politique. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être excellents pour globaliser nos vices, mais pas nos vertus. Les vertus d'honnêteté, de ne pas voler son voisin, tout cela, tout ce qu'on a appris, vraiment tout petit, ça reste privé et à tout casser national. Mais internationalement, ce sont nos vices qu'on globalise, c'est-à-dire le vol, le refus d'être citoyen, et cet argent-là, ça a une odeur. C'est l'odeur de la pourriture et c'est l'odeur de... Retenez-moi, c'est une odeur de... Merci, c'est vous qui le dites. Bravo! I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust and I bought us two tickets on that Coast City bus. Now, baby, everything dies, maybe that's a fact. And maybe everything that dies someday comes back. Voilà un extrait d'une manifestation à Jersey, c'était en 2001 et je crois avoir reconnu Suzanne George avec Attaque, donc devant les banques de Jersey et puis ensuite Bruce Springsteen, Atlantic City. La grande ville du jeu, donc dans le New Jersey, les deux îles, les deux endroits ont un lien. Et ce sont deux endroits qui ont à voir avec la question du fisc, puisque très récemment, Bruce Springsteen déclarait dans une déclaration qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis qu'il n'avait jamais payé d'impôts puisqu'il vivait dans le New Jersey, que personne ne payait ses impôts dans le New Jersey. Bonjour Christophe Farquet. Bonjour. Vous êtes auteur de l'histoire du paradis fiscal suisse aux presses de Sciences Po et vous êtes notre invité pour cette série d'émissions, en ouverture de cette série d'émissions sur les micro-États, pour évoquer justement ce lien étrange et peut-être d'ailleurs accidentel entre ces tout petits pays. Ils sont très peu nombreux, les petits pays qu'on appelle les micro-États. Il y en a, je crois, 27 recensés sur la planisphère. Mais beaucoup de ces petits pays, ces micro-États, ont eu un destin, au XXe siècle en tous les cas, de paradis fiscal. Qu'est-ce que c'est que cette histoire justement? Pourquoi Jersey? Pourquoi Guernesey? Pourquoi d'autres endroits comme les Bahamas sont-ils devenus ce qu'on appelle aujourd'hui des paradis fiscaux? Oui, alors au fait, tout d'abord il faut préciser que les histoires des paradis fiscaux dépassent largement l'histoire des micro-États, puisque la finance offshore aujourd'hui, depuis 20 ou 30 ans, est vraiment au cœur de la globalisation financière, et les grandes places financières, par exemple la City de Londres, peuvent elles-mêmes être considérées comme des paradis fiscaux. Et d'ailleurs, cette City de Londres est très liée justement à ces micro-États qui, pour certains d'entre eux, étaient des anciennes colonies britanniques. Tout à fait. Il y a tout un réseau de micro-États qui gravitent autour de la cité de Londres. Et en effet, un des maillons de la chaîne de cette immense toile de paradis fiscaux, eh bien, ce sont ces micro-États, puisque ce sont en fait un peu des poches d'opacité qui permettent plus facilement en fait d'éviter les impôts en faisant transiter les capitaux, parfois uniquement de façon fictive. Et on le voit très bien avec, par exemple, ce qui se passe dans les îles du Pacifique ou aux îles Caïmans, aux Bahamas. Très peu de capitaux vraiment sont présents sur ces îles, mais par contre, ils servent comme conduits vers d'autres places financières. Alors, c'est vrai que lorsqu'on regarde très précisément, vous êtes historien de l'économie en particulier, Christophe Farquet, quand on regarde très précisément cette histoire des paradis fiscaux, on trouve généralement une sorte de gloubi-boulga, à part peut-être dans le livre qu'a écrit Christian Chavagneux et Ronen Palan, qui s'appelle « Les paradis fiscaux », où il y a un chapitre consacré à l'histoire de ces paradis fiscaux, ça n'est pas très précis en fait ce que l'on sait de cela, parce que on voudrait le faire remonter à Delos comme port franc de la coalition athénienne au 5e siècle avant notre ère. On voudrait le faire remonter aux villes italiennes, aux franchises, à tous ces moments où effectivement on a accordé à des petits espaces des privilèges fiscaux. Or, c'est tout de même une histoire telle qu'on peut la raconter et telle que vous la racontez vous-même, Christophe Farquet, qui est une histoire de la modernité financière du 19e et du 20e siècle. Tout à fait, tout à fait. C'est toujours une tendance chez les historiens, surtout non professionnels, d'aller chercher le plus loin possible les origines. C'est un peu le mythe des origines qu'on va chercher dans l'Antiquité. Certains lient ça aux croisades ou je ne sais pas. Pour l'histoire contemporaine, le moment déterminant, c'est la Première Guerre mondiale. Parce qu'à partir de ce moment-là, les impôts directs dans les grands États augmentent massivement. Et à partir donc de ce moment-là, l'impôt devient très important pour les mouvements de capitaux. Donc vraiment la rupture aussi pour la Suisse, c'est vraiment ce moment de la Première Guerre mondiale. Par exemple, avant la Première Guerre mondiale, vous le savez mieux que moi, il n'y a pas d'impôt progressif sur le revenu en France. C'est introduit quelques semaines avant le début de la Première Guerre mondiale. La première application, c'est seulement en 1916, pardon. Et le taux marginal supérieur est alors de 2%. Et ensuite, en 1924, sous le cartel des gauches, il atteint 90%. Donc il y a un changement en une décennie, en raison des coûts de la guerre et de la reconstruction, un changement total dans le fonctionnement des systèmes d'impôts directs dans les grands États. Et désormais, il y a une très grande incitation aux fuites de capitaux pour éviter ces impôts. Et c'est pour ça, par exemple, que la Suisse, qui restait neutre donc, durant la Première Guerre mondiale, devient un immense paradis fiscal et qui capte, en fait, ces fuites de capitaux depuis les pays limitrophes, l'Allemagne, la France, l'Italie. Alors, je ne voudrais pas faire les erreurs des historiens amateurs, mais tout de même, certains pointent les années 1860 avec la bancarisation qui s'instaure de façon un peu importante dans tous les pays européens et en particulier pendant le Second Empire en France, mais également en Grande-Bretagne sous la reine Victoria et dans tous les pays d'Europe, effectivement une très grande bancarisation et également dans les États-Unis qui se développent au moment et juste après la guerre de sécession, on voit naître des États dont le New Jersey juste à côté de New York qui est déjà une grosse place financière, le Delaware qui est encore un paradis fiscal aujourd'hui, qui vont devenir les uns en concurrence avec les autres des endroits où on va pouvoir placer son argent sans payer trop d'impôts, en l'occurrence Christophe Farquet. Tout à fait. Il y a des prémices avant la Première Guerre mondiale, ça c'est sûr. Et bien sûr qu'il y a une immense globalisation financière avant la Première Guerre mondiale, durant la Belle Époque. Mais le problème de parler de paradis fiscaux, il y a plusieurs problèmes de parler de paradis fiscaux avant la Première Guerre mondiale. Le premier problème, c'est que fondamentalement, la plupart des pays occidentaux, selon les critères actuels, sont des paradis fiscaux. Par exemple, la France, à l'époque, est un paradis fiscal, d'une certaine manière, parce que on paye des impôts sur le revenu. Il n'y a pas encore l'impôt progressif sur le revenu qui sont de 2-3%. C'est très difficile d'atteindre ces taux-là sur la totalité du revenu. C'est un impôt qui est indiciaire, qui est basé seulement sur les signes extérieurs, l'impôt sur le revenu à l'époque en France. Et donc, si vous voulez, la France est un paradis fiscal selon les critères actuels. Alors c'est vrai qu'il y a des prémices dans des micro-États, notamment au New Jersey, qui est qui captent énormément de sièges, des domiciles des sociétés américaines dès les années 1890. Mais en fait, ce premier développement n'est pas tellement lié à l'impôt, c'est plutôt lié à une offre de dérégulation, surtout par rapport aux lois de trust à l'époque, les lois antitrust américaines. Et le New Jersey, pour capter les sièges des sociétés, met en place des lois sur les sociétés qui sont extrêmement laxistes et qui permettent des fusions, des acquisitions beaucoup plus facilement que dans les autres États américains. Donc c'est un peu lié à l'État, à la fiscalité, ce développement de New Jersey, mais c'est beaucoup plus lié à une autre offre de dérégulation. Et le Delaware, dont on dit qu'aujourd'hui c'est encore un paradis fiscal, qui instaure une nouvelle législation fiscale en 1898, donc à l'orée ou à la toute fin du 19e siècle, à l'orée du 20e siècle, Christophe Arquet. C'est la même chose. En fait, ils essayent de concurrencer New Jersey sur ce point-là, justement de contournement des lois sur les sociétés, sur les trusts aux États-Unis. Et l'impôt là-dedans joue peu de rôle, parce que les impôts sont encore très bas aussi dans les autres États américains. Alors, dans le livre de Christian Chavagneux et de Ronan Pallant, qui s'intitule « Les paradis fiscaux », ils insistent aussi sur l'Empire britannique en disant que pour éviter que dans cet immense empire qu'était l'Empire britannique à la fin du 19e siècle, eh bien, les recettes fiscales ne reviennent pas à l'Empire soi-même, on a mis en place, les juges britanniques ont mis en place, disent-ils, une obligation de payer l'impôt là où se trouve le siège des sociétés. Et donc, lorsqu'on fait de l'argent, la De Beers, par exemple, qu'on fait de l'argent en Afrique du Sud ou en Inde, disent Chavagneux et Pallant, eh bien, on va obliger cet argent d'être payé en impôts sur le territoire britannique. Et ça va se retourner, explique Chavagneux et Pallant, contre le centre de l'Empire, puisque des Égyptiens, par exemple, à Alexandrie, vont mettre en place un système qui va prendre un conseil d'administration en Égypte et ne pas payer l'impôt, justement, dans la capitale. Est-ce que ça, c'est un prémisse de paradis fiscal ou ça n'est pas la même chose selon vous, Christophe Farquet? Alors là, je suis obligé de me dissocier de la perspective historique qui est présentée par Chavagneux et Pallant, qui sont par ailleurs des politologues et des économistes tout à fait intéressants et tout à fait pertinents. Mais sur l'histoire, je ne suis pas d'accord avec eux. Ils n'ont pas fait des recherches dans les archives et leur vision est justement une vision généalogique des paradis fiscaux. Ils prennent certains exemples dans les législations et estiment que voilà, ça serait les origines. Et vous êtes contre la vision généalogique des paradis fiscaux? Oui, parce que, au fait, ces mêmes pratiques, par exemple, en Grande-Bretagne, qui, selon moi, apparaissent, je crois, en 1929, si je me souviens bien, la date qui mettent dans leur... Je crois que c'est ça. Au fait, elles existent aussi en Suisse, aux Pays-Bas, déjà avant. Donc, en fait, quand vous regardez vraiment les pratiques fiscales, ce qui se passe d'un point de vue réel, vous remarquez qu'en fait, l'histoire qu'ils proposent dans leur histoire des paradis fiscaux est en grande partie une histoire mythique. Et aussi pour ce qu'ils disent concernant le Delaware et New Jersey, je suis allé regarder les législations fiscales et les taux d'imposition à l'époque dans les autres États américains. Et on voit que ces législations fiscales ne sont pas si attractives que ça. Et c'est pas le cœur, au fait, la question de la fiscalité. C'est pas le cœur du problème. Et donc, je répète, il faut vraiment faire débuter l'histoire des paradis fiscaux à la Première Guerre mondiale. Ou alors vraiment les quelques années juste avant la Première Guerre mondiale. Parce que nous, on ne comprend pas vraiment le développement général. On a une vision vraiment myope de la chose. Et tout ça, c'est parce que vous êtes suisse et que vous voulez tirer la couverture à vous en tant que Suisse, parce qu'effectivement, vous avez travaillé sur l'histoire du paradis fiscal suisse. Et on peut dire que dans votre travail, qui est tout à fait remarquable aux presses de Sciences Po, eh bien, on voit là une matrice. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe en Suisse entre l'avant Première Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, et surtout l'immédiate après Première Guerre mondiale, qui servira peut-être de modèle à d'autres paradis fiscaux tels qu'on l'entend et tels qu'on peut le voir aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas de défendre la Suisse en tant que paradis fiscal. Ce n'est pas un statut forcément très, très honorable. Il y a peut-être d'autres choses qui sont honorables en Suisse, mais pas tellement celle-ci. Non, écoutez, c'est pas ça l'idée. Mais je répète, si on regarde vraiment le tableau général au niveau de l'histoire de l'imposition, on remarque que c'est un peu absurde, je répète, de parler de paradis fiscal. Dans ce cas, il faut mettre la France dans les paradis fiscaux. Mais parce que votre grand propos dans votre livre, c'est de dire effectivement avant la Première Guerre mondiale, puisque les impôts sur le revenu ne sont pas instaurés partout, puisque les impôts sur la succession commencent juste à s'instaurer juste avant la Première Guerre mondiale, eh bien, ça veut dire que tout le monde est à des taux d'imposition relativement bas, tout à fait. Digne du libéralisme du 19e siècle, dans la foulée desquels on se situe encore à ce moment-là. Et ça n'est qu'à partir du moment où on va augmenter ses impôts ou les créer, lorsqu'ils ne le sont pas, qu'on peut parler effectivement de début d'évasion fiscale vers des paradis fiscaux. Bien évidemment, on peut même aller plus loin. On peut dire par exemple que le secret bancaire, donc dans la pratique, pas forcément dans les législations, mais le fait que les administrations n'aient pas le droit de regarder dans les comptes bancaires, ça c'est une pratique qui est généralisée dans la plupart des États occidentaux avant la Première Guerre mondiale. Ce qui est spécifique dans l'histoire suisse, c'est le fait, au fait que les Suisses ont gardé ce libéralisme fiscal du 19e siècle après la Première Guerre mondiale. Donc il faut inverser au fait l'histoire des paradis fiscaux et la réécrire de cette manière-là. C'est-à-dire penser que tout le monde est un paradis fiscal avant la Première Guerre mondiale et que la Suisse et d'autres restant sur ce modèle ancien, tandis que les autres évoluent justement vers une progressivité de l'impôt, etc., eh bien, ils font figure de but témoin, pourrait-on dire, de cette période antérieure. Et c'est pour ça qu'on va commencer à les critiquer, en l'occurrence. Tout à fait. Au fait, ce que trouvent les investisseurs en plaçant ou les capitalistes en plaçant leur argent en Suisse, ce sont vraiment les conditions du libéralisme financier après la première guerre mondiale, de ce qui existait, en fait, à la belle époque, dans la plupart des marchés financiers. Une monnaie stable, une grande opacité financière, presque pas d'impôts pour les non-résidents. Et c'est la raison pour laquelle il y a des immenses fuites de capitaux en direction de la Suisse dès la Première Guerre mondiale. Voilà, et ce secret bancaire, eh bien, on le connaît bien, puisque en 1964, au journal de France Inter, interrogé par Daniel Fram, un directeur de banque l'explique justement pour les auditeurs français. Une récente affaire a mis en cause le secret bancaire en Suisse. Un vice-directeur d'une banque de Lausanne a bien voulu expliquer à notre correspondant Daniel Fabre le mécanisme du secret bancaire. Le secret professionnel du banquier trouve son origine fondamentale, d'une part, dans le respect des droits de l'individu et de ses intérêts personnels, et puis d'autre part, dans les rapports de confiance liant le banquier à son client. La loi fédérale sur les banques de 1934 n'a fait que légaliser ce qui était admis par l'usage. Voulez-vous que je vous donne connaissance de cet article ? Enfin, résumons-le, celui qui viole le secret professionnel est passible d'une amende, dit la loi, de 20 000 francs au plus ou d'un emprisonnement de 6 mois au plus. Les deux peines peuvent être cumulées. Ça, c'est donc l'article 47 de la loi de 1934, si je ne m'abuse, en Suisse, qui va rendre encore plus opaque peut-être ce secret bancaire suisse qui s'instaure dans ces années d'après Première Guerre mondiale, qui perdure dans ces années d'après Première Guerre mondiale. Christophe Farquet, sur lequel vous avez travaillé pour votre histoire du paradis fiscal suisse. Ça veut dire que quand on n'est pas lanceur d'alerte quand on est un employé d'une banque suisse, au contraire, on risque les foudres de la loi si on dit le nom d'un client, si on dit les liens de ce client avec sa banque, si on parle même de l'ouverture d'un compte dans cette même banque. Tout à fait. Donc là, l'innovation de l'article 47 de la loi du 8 novembre 1934 en Suisse, c'est que la violation du secret bancaire fait l'objet du droit pénal. Et donc, ça signifie que même s'il n'y a pas dénonciation du client, le banquier qui divulgue des informations sur sa clientèle peut être poursuivi. Donc, si vous voulez, le secret bancaire devient une espèce de bien public de la Suisse. Et en effet, c'est pas l'invention du secret bancaire, mais c'est bien le renforcement du secret bancaire qui intervient à ce moment-là. Mais au fait, et là aussi, je ne suis pas d'accord avec ce qui est dit dans l'ouvrage sur les paradis fiscaux de Chavagneux et de Palane. En fait, cette loi-là a eu très peu d'influence, en tout cas jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. C'est en fait, quel était le but de cet article ? C'était surtout de rassurer la clientèle par rapport à l'élaboration, à la création d'une loi sur les banques. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas de loi en Suisse. Et c'était en fait un signe donné à la clientèle des banques suisses pour dire, d'accord, on fait une loi, mais regardez, on continue à protéger votre confidentialité. Et c'était surtout ça, en fait, la signification de cet article 47 dans la loi sur les banques. Et ça a eu peu d'influence vraiment sur l'attractivité de la place financière suisse, au moins jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et juste pour finir, on voit bien aujourd'hui aussi que cet article, c'est pas non plus le cœur du secret bancaire d'un point de vue fiscal, puisque l'article existe toujours, sous une forme certes modifiée aujourd'hui, mais ça n'a pas du tout empêché la transmission automatique de renseignements fiscaux aux autorités étrangères. En fait, le secret bancaire, vraiment du point de vue fiscal, était plus lié à la pratique des administrations fiscales, à la jurisprudence et aux lois d'impôts dans les cantons suisses. Alors, ces cantons, d'ailleurs, ont un rôle, et vous l'expliquez bien dans votre histoire du paradis fiscal suisse, parce que ce lien entre la fédération et les cantons est assez particulier. Effectivement, puisque l'impôt ne s'applique pas de la même manière partout, qu'il y a donc une pression fiscale qui n'est pas semblable partout, et que donc la fédération suisse, la fédération helvétique, a un rôle particulier de régulation, mais que les cantons gardent des rôles de régulation. Alors, on cite souvent le canton de Zouk ou d'autres qui sont des cantons qui sont considérés comme des paradis fiscaux, au sein même d'un paradis fiscal supposé, ouais, c'est-à-dire la Suisse. Il y a donc des endroits qui ont différents régimes, pourrait-on dire, à l'intérieur de cette fédération helvétique. Bien sûr, oui. Le fédéralisme a beaucoup contribué au développement du paradis fiscal suisse. Et d'ailleurs, le maintien d'un système fiscal décentralisé après la Première Guerre mondiale, on le voit dans les archives, ça a été un choix des dirigeants suisses, justement pour éviter, pour maintenir, si vous voulez, des taux d'imposition, en tout cas des pratiques fiscales assez basses en comparaison internationale. Parce que surtout de cette manière-là, dans un contexte de flambée. D'arrivée d'argent massive dans les banques suisses après la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a tout l'argent de la reconstruction qu'il faut financer, et les banques suisses vont jouer un rôle considérable dans cette relance de la consommation et de la construction après la guerre. Vous dites après la Première Guerre mondiale? Après la Première Guerre mondiale, non? Pas tellement. Ah ben, moi, j'ai lu que vous disiez qu'entre 14 et 30, il y a une flambée, et que ça n'est qu'après qu'il y a une redescente de la question de la Suisse comme paradis fiscal. Je vous ai d'accord, peut-être mal lu. Je vous ai pas très bien compris. J'ai cru qu'il contribuait à la reconstruction. Non. L'argent transite, quoi. Oui, il y a énormément d'argent qui transite en Suisse après la Première Guerre mondiale. C'est tout à fait juste. Qui viennent surtout de France et d'Allemagne à l'époque. C'est des immenses flux de capitaux qui apparaissent pas forcément dans les bilans des banques suisses, parce que c'est en partie des activités hors bilan, comme aujourd'hui, de gestion de fortune des titres. Donc quand on regarde même le bilan des banques suisses, on ne voit pas vraiment cette augmentation des activités. C'est seulement en allant dans les archives bancaires qu'on peut se rendre compte en fait des volumes énormes de capitaux qui arrivent en Suisse à l'époque. Et donc si on faisait une généalogie par exemple de ce paradis fiscal suisse, on peut dire que là il y a un moment... Si ça n'est pas le seul moment fondateur, puisqu'on a parlé de la belle époque et de ce qui précédait la Première Guerre mondiale, mais il y a un moment assez fort, même si ça n'est pas une montée en puissance continue, puisque vous expliquez bien dans votre propre travail, Christophe Farquet, que ensuite, dans les années 30, eh bien, les banques suisses vont subir la même crise que les autres et qu'il va y avoir une redescente de ce paradis fiscal pour redémarrer lentement dans les années 50 et à la fin des années 50 et devenir effectivement très important dans les années 60 et jusque à la crise de 2007, Christophe Farquet. Oui, parce que comme la Suisse fonctionne comme une plaque tournante du capital, les capitaux arrivent ensuite, sont réexportés sur les marchés étrangers, eh bien les conditions financières dans les autres pays affectent le paradis fiscal suisse. C'est pas, si vous voulez, simplement un refuge de capitaux qui met de l'or qui accueille de l'or dans ses coffres-forts. Ça fonctionne pas comme ça. C'est une place financière. Il y a des capitaux qui arrivent, qui sont réexportés sur les marchés étrangers. Donc c'est sûr que avec la grande dépression des années 1930, ensuite la Deuxième Guerre mondiale, puis les restrictions sur les marchés financiers qui sont placées dans le système de Bretton Woods après la Seconde Guerre mondiale, ici le paradis fiscal suisse a continué à accueillir d'importantes fortunes, mais en même temps avait des problèmes aussi pour vraiment faire fructifier cet argent, et il souffrait aussi de ces régulations et ce déclin des marchés financiers. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien que les paradis fiscaux, c'est le cas de la Suisse, mais aussi des autres paradis fiscaux, ont à la fois vivent de la régulation dans les pays étrangers, puisqu'en fin de compte, c'est ça qui... C'est plus on met plus il y a de régulation, plus il peut y avoir de capitaux qui arrivent. Et en même temps, s'il y a trop de régulation, eh bien, ça étouffe aussi le paradis fiscal. Et ce qu'on voit, c'est vraiment que la Suisse a joué un rôle déterminant sur les marchés financiers dans des périodes un peu charnières où il y avait encore de la régulation, mais il y avait quand même une certaine libéralisation financière qui était en place aussi sur les marchés étrangers, ce qui permettait de faire fructifier, en fait, fait ces capitaux qui arrivaient en Suisse. C'est le cas par exemple dans la seconde moitié des années 1920 et c'est le cas aussi dans les années 1960 qui sont vraiment des âges d'or du paradis fiscal suisse. Le paradis fiscal est très spécifique à ce moment-là en comparaison internationale. Et en même temps, il y a une libéralisation financière sur les marchés étrangers qui permet un essor de la place financière suisse. Et il y a différentes formes de ce paradis fiscal. On a parlé effectivement des banques, mais il y a aussi la création et la multiplication des holdings qui sont créés, dites-vous, pour le premier privilège fiscal sur une holding en Suisse, c'est en 1903 dans le canton de Glaris. Mais ça se développera un peu partout dans cette même Suisse tout au long du XXe siècle. Et cela, effectivement, ça participe, comme dans d'autres paradis fiscaux, à la multiplication de ces petits paradis qui se font concurrence entre eux. Parce que c'est aussi une des questions intéressantes, c'est que, effectivement, à partir du moment où il n'y a pas qu'un seul paradis fiscal, pas que deux, pas que trois, mais qu'il y en a 10, 15 ou 20 dans le monde, et plus encore, eh bien ça devient une vraie concurrence entre tous ces paradis. Tout à fait. Là, on retombe justement sur la question du fédéralisme fiscal et de la concurrence fiscale entre les cantons suisses, qui est justement surtout sur ces questions de siège des sociétés, de domiciliation des sociétés. Et en effet, on peut considérer que la Suisse est composé d'une multitude de micro-États, puisque la souveraineté fiscale après la Première Guerre mondiale est encore essentiellement cantonale et communale, et qui ce sont des petits paradis fiscaux à l'intérieur d'un paradis fiscal qui se font concurrence pour attirer les sièges de sociétés suisses ou étrangères, avec des minuscules ici micro-États, si vous voulez, comme Glaris, et ensuite Zug après la Deuxième Guerre mondiale, qui captent ces sociétés de domicile, ces holdings, en mettant des taux d'imposition extrêmement faibles. Ici, la Suisse en concurrence, si vous voulez, compte en Suisse entre eux, mais également avec d'autres micro-États dès l'après-première guerre mondiale, le Liechtenstein. En partie, on peut presque considérer que c'est un canton suisse parce que c'est très lié à la place financière suisse. D'ailleurs, c'est en partie les banquiers suisses et les avocats suisses qui développent le paradis fiscal du Liechtenstein, mais aussi le Luxembourg, par exemple, avec la loi de juillet 1929, qui est explicitement un choix de l'administration financière du Luxembourg de concurrencer les cantons suisses pour capter des sièges de sociétés, notamment allemandes, à l'époque en 1929. Et pourquoi ces petits États pensent-ils à utiliser ce moyen-là pour se développer? C'est-à-dire qu'ils pourraient utiliser l'industrialisation, le tertiaire n'existe peut-être pas suffisamment dans les années 20 pour cela, mais enfin, il y a d'autres moyens de se développer, mais pourquoi donc choisir ce moyen-là d'augmenter son budget et de devenir puissant là où ils sont pourtant géographiquement réduits en superficie? Alors, c'est sûr que c'est un moyen très facile d'augmenter les recettes fiscales. Hein. Vous mettez une loi sur les holdings. Comme c'est des micro-États, parfois, il n'y a pas vraiment d'opposition politique. Ça se fait en un petit cercle avec quelques avocats, l'administration fiscale, quelques banquiers. Ça peut se faire très facilement. Vous changez votre loi. Et puis, comme ça, vous avez un peu plus de rentrée fiscale. Ça permet même ensuite de baisser les impôts sur les résidents du canton. Donc comme ça, ça crée un grand consensus au fait pour de telles mises en place de tels dispositifs. Donc c'est assez facile et ça explique une partie de l'histoire de ces micro-États, ces paradis fiscaux. Justement, changer simplement sa loi fiscale pour augmenter les recettes d'impôts, c'est une partie de cette histoire-là. Mais pas seulement, parce que parfois il y a, comme par exemple dans ces îles comme les îles Caïmans, parfois c'est des impôts zéro. Donc ça n'explique pas toute l'histoire de ces micro-États. Parfois, c'est d'autres raisons, simplement développer une industrie financière dans un lieu qui est en fait une zone franche d'impôts. Ça peut aussi fonctionner de cette manière-là. Mais c'est vrai que, par exemple, si on prend le cas du Luxembourg, pour changer, pas parler uniquement de la Suisse, là, on voit que c'est bien, ça vient, apparemment, les sources d'archives montrent que c'est bien, ça vient de l'administration financière. Hein. C'est une stratégie de concurrence fiscale, d'attractivité fiscale pour augmenter, en effet, les recettes d'impôts, tout en stimulant la place financière locale. Le 8 avril 2016, l'humoriste Frédéric Fromet sur France Inter reprenait une musique d'Alpha Blondie et de Fanta Diallo avec de nouvelles paroles. Fuite, fuite, fini les impôts, oh oh, fini les impôts, fuite, fuite, paradis fiscaux, coucou, paradis fiscaux, contribution à la solidarité. Non, non, non, non, à l'enseignement, à la justice, à la santé. Non, non, non, non, à quoi bon prendre part à la société? N'importe quoi, hormis à ma société offshore installée. Au Panama, fuite, fuite, fini les impôts, ou ou, fini les impôts, fuite, fuite, de mes capitaux, ou ou, de mes capitaux, au Panama ou aux Seychelles. Oui, oui, oui, oui, aux Bahamas ou dans les îles Vierges. Oui, oui, oui, oui, partout où il y a des cocotiers et du sable blanc, je ne suis rien de plus qu'un exilé, un simple migrant. Fuite, fuite, fini les impôts, ou ou, fini les impôts. Fuite, fuite, avec mon magot, ou ou, avec mon magot. Dans la vie, il faut savoir s'évader. Frédéric Fromet sur France Inter, il pose une question toute simple, à savoir, qu'est-ce qui différencie une politique d'attraction fiscale, telle que vous pouvez la décrire, Christophe Farquhar, en tant qu'historien de l'histoire du paradis fiscal suisse aux presses de Sciences Po, et une politique d'évasion fiscale? Parce que ça n'est pas la même chose, il y a des décisions qui sont prises par un gouvernement pour passer de l'un à l'autre. Donc, une politique d'attraction fiscale consiste précisément, comme dans le cas des holdings, d'attirer des sièges pour augmenter justement les recettes d'impôts par ce biais-là. Par contre, la politique d'évasion fiscale, c'est attirer les capitaux sans obtenir plus d'impôts. C'est le cas, par exemple, du secret bancaire suisse. Mais c'est bien ça le principe, c'est d'attirer les capitaux, mais pas pour des raisons fiscales, mais pour stimuler l'industrie bancaire suisse. Et en effet, les Suisses ont joué sur les deux plans. Il y a une politique d'évasion fiscale dès la Première Guerre mondiale. Donc j'ai dit, c'est un développement qui est en partie exogène à la Suisse, puisque en effet, c'est la base du développement du paradis fiscal suisse, c'est le fait que la Suisse reste neutre durant la Première Guerre mondiale. Mais ça a été accompagné par des politiques et par une défense active de cette politique d'évasion fiscale vis-à-vis des autres États étrangers menée par le gouvernement et l'administration fédérale. Donc il y a quelque chose de passif, mais il y a aussi quelque chose d'actif, aussi bien au niveau de la politique d'attraction fiscale que de la politique d'évasion fiscale. Et c'est d'ailleurs très intéressant, parce que vous nous expliquez dans votre livre, Christophe Farquhar, que vous vous posez une question en tant qu'historien de l'économie, c'est pourquoi des dirigeants ont adopté cette politique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les motive dans l'adoption de cette politique? Ils pourraient miser, la Suisse n'est pas un micro-État, ils pourraient miser sur d'autres sources de revenus. Et vous vous étonnez, par exemple, qu'une opposition socialiste, par exemple, en 1934, lors de la loi dont on parlait tout à l'heure, ne va pas voter contre cette loi, parce qu'elle va considérer, cette opposition, qu'il y a des côtés positifs, justement, dans la protection de la banque. Pas du secret bancaire, mais de la banque, et qu'il faut peut-être faire d'un autre côté, alors qu'ils ont manifesté contre le secret bancaire quelques années auparavant, il faut peut-être faire des concessions pour pouvoir obtenir un meilleur contrôle des banques, une meilleure assurance de ces banques, en l'occurrence, Christophe Farquhar. Tout à fait. Ça, j'invite, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'auditeurs suisses qui vous suivent, je l'espère, j'invite vraiment tout le monde en Suisse à s'interroger là-dessus. Puis c'est devenu quelque chose de presque naturel, la défense du secret bancaire, même si ça a échoué durant la crise actuelle. Il faut s'étonner de cela. Pourquoi ? Parce que, premièrement, quand on regarde encore aujourd'hui, même s'il y a eu un développement du centre bancaire suisse depuis 20 ou 30 ans très important, en même temps, aujourd'hui, quand vous regardez combien de personnes travaillent dans la gestion de fortune, c'est un tout petit nombre de personnes. C'est 50 000 personnes en Suisse. Donc, ça fait environ 1% de la population active. Donc ça crée très peu d'emplois, la gestion de fortune en Suisse, et la contribution du PIB au PIB de l'ensemble des banques suisses, c'est 4 à 5%. Mais ça, c'est tous les services bancaires, c'est pas uniquement la gestion de fortune. Ça signifie que en dépit du mythe d'une Suisse bancaire, il y a bien sûr d'autres activités économiques en Suisse qui contribuent beaucoup plus fortement, notamment l'industrie en Suisse qui reste très importante sur certains secteurs de pointe et qui contribue beaucoup plus que les banques au PIB de la Suisse. Et quand on regarde aussi le développement du capitalisme suisse, on remarque que les banques ont peu joué au début de l'histoire de l'industrialisation, beaucoup moins par exemple qu'en Angleterre, et que la Suisse, en fait, avant de devenir un paradis fiscal, avant la Première Guerre mondiale, est déjà un pays avec un PIB plus important que ses voisins. Donc il aurait très bien pu y avoir un autre développement que celui du paradis fiscal. Et il faut vraiment s'étonner de cela. Alors c'est pour plusieurs raisons. C'est d'abord parce que en Suisse, enfin qu'en Suisse comme ailleurs, les banquiers sont très influents. Ce sont des dans le système capitaliste, les banquiers ont une position de choix du point de vue du contrôle de la masse monétaire, du point de vue aussi des du financement des dettes publiques, et donc ils ont pu imposer aussi leur choix. C'est en raison aussi du rapport de force politique, bien sûr, en Suisse, qui invariablement depuis le XXe siècle penche toujours à droite, très nettement à droite. Ça a participé aussi à cette politique, mais c'est vrai que les socialistes suisses eux-mêmes ont peu contesté cette politique. Et d'ailleurs, la fin, entre guillemets, du secret bancaire au point de vue international durant la crise actuelle n'est pas du tout venue d'une opposition intérieure, mais bien sûr de pression internationale, surtout américaine. Alors, comment ça s'explique? Ça s'explique d'abord par le fait que les socialistes suisses, justement, sont minoritaires et donc ont peu de moyens, en fait, de s'opposer. Chaque fois qu'ils ont essayé de s'opposer contre le secret bancaire, en 1922, il y a eu une initiative contre le secret bancaire. Ensuite, en 1984, ils ont chaque fois été balayés en votation populaire. Donc, ils n'ont pas le rapport de force pour ça. Mais c'est aussi lié justement à un mythe, au fait, à une vision, si vous voulez, néo-mercantiliste de l'économie, ou avec l'idée que si on attire beaucoup de capitaux, ça va bénéficier à tout le monde. C'est le ruissellement. Et ça, exactement. C'est une vision vraiment mercantiliste de l'économie et qui n'est pas forcément vraie. Par exemple, dans l'entre-deux-guerres, les performances de l'économie suisse, alors même qu'il y a beaucoup d'importations de capitaux étrangers, les performances sont assez mauvaises de l'économie suisse, en partie liées justement à l'afflux de capitaux, parce que le franc est très fort en comparaison internationale, et ceci péjore les industries suisses. Et donc, il aurait très bien pu y avoir un autre modèle de développement. Et ici, les socialistes suisses ont souvent, dans leur analyse, de faire union sacrée autour du secret bancaire, ont fait clairement fausse route. Alors, il y a une autre question qui se pose dans votre livre, et en général, c'est pourquoi y a-t-il consensus dans un pays pour pouvoir mettre en place ce type de développement à partir de la fiscalité et donc de taux fiscaux très avantageux pour ceux qui viennent poser leur argent dans ce pays. Mais il y a aussi pourquoi il n'y a pas de coopération internationale. Et vous le posez très franchement dans votre travail sur l'histoire du paradis fiscal suisse, mais on pourrait le dire pour tous les autres paradis fiscaux. Vous avez retrouvé dans les archives la lettre de l'ambassadeur de Suisse à Paris en 1962 qu'il écrit après avoir rencontré Maurice Couve de Murville, qui est donc le ministre des Affaires étrangères qui n'était pas commode, pas plus que le général de Gaulle d'ailleurs sur ces questions-là a priori, et également Wilfried Baumgartner, qui dirigeait la Banque de France à ce moment-là. Et il écrit, donc, cet ambassadeur de Suisse à Paris, écrit « Dans la situation actuelle politique et sociale de la France, les hauts fonctionnaires des finances et même le personnel politique ressortissent à des milieux qui eux-mêmes utilisent le secret bancaire suisse. Il est probablement peu d'hommes influents issus des milieux sociaux moyens ou élevés, représentatifs pour les partis du centre ou de la droite, même du centre-gauche, qui n'utilisent ce système de fait. Voilà pourquoi peut-être votre fille est muette. Enfin voilà pourquoi peut-être on n'a pas poursuivi ce secret bancaire trop ardemment. En l'occurrence, Christophe Farquet. C'est clair que c'est un des facteurs, très clairement. C'est-à-dire qu'en effet, les services offshore suisses sont utilisés par des personnes influentes, comme on l'a vu aussi dans la crise actuelle, avec tous ces scandales. Et également, on voit... Alors, pas souvent, cette lettre-là est assez rare, mais par contre, ce qu'on voit clairement, par exemple, en Allemagne aussi, c'est que les grandes industries allemandes font pression sur l'administration financière allemande pour qu'elle n'attaque pas le régime des holdings suisses, pour la simple raison qu'elles utilisent ce régime-là. Donc c'est clair qu'il y a une complaisance et une complicité, bien sûr, entre ceux qui utilisent les services offshore et le paradis fiscal suisse. Et ça, c'est un des facteurs qui explique pourquoi, jusqu'à la crise actuelle, il y a eu peu de pression en fait contre le secret bancaire. Alors, ce modèle suisse que vous nous avez bien décrit, Christophe Farquet, il s'est répandu un peu partout. Il y a des choses un peu baroques qui sont créées dans d'autres États qui sont devenus des paradis fiscaux, ou est-ce que c'est à peu près toujours la même manière de faire? Est-ce qu'on peut faire une sorte de cartographie, brève, pour terminer dans les 5 ou 6 minutes qui nous restent, justement, autour de cette, disons, géographie politique ou géopolitique des paradis fiscaux et des micro-États qui pratiquent cela? On a parlé des îles Vierges, des îles Caïmans, des Bahamas ou d'autres lieux comme cela. Alors, c'est sûr que il y a des choses différentes dans les autres paradis fiscaux, et notamment dans ces micro-États. Par exemple, aujourd'hui, il est beaucoup plus facile de créer une société aux îles Caïmans, Delaware, qu'en Suisse. En quelques heures, vous pouvez faire ça. Il y a une offre ici d'évasion fiscale qu'on ne retrouve pas en Suisse. Donc, certains micro-États sont allés plus loin que la Suisse, justement sur la création de trusts, de hedge funds, etc. Là, c'est clair qu'il y a des choses qui beaucoup plus agressives encore qu'en Suisse, qui se sont inventées au fur et à mesure. Surtout depuis les années 1980. Là, il y a vraiment une globalisation avec le néolibéralisme, globalisation de l'offshore, une prolifération des paradis fiscaux. Et il y a eu de plus en plus, justement, cette offre d'évasion fiscale ultra agressive où, en quelques heures, vous pouvez créer une société qui est complètement fictive, hein, où il n'y a pas vraiment de fortune qui va être présente dans cette société-là, mais qui permet justement d'augmenter l'opacité des flux financiers internationaux. Donc il y a en effet après chaque micro-État des spécialisations. Certains sont spécialisés dans les assurances captives. Donc il y a en effet une offre d'évasion fiscale très variée, si on peut parler ainsi, et des pratiques aussi d'opacité qui vont encore plus loin que le secret bancaire suisse, dont d'autres places financières qui ont copié et sont ensuite allées plus loin aussi que la Suisse. Oui, et la Suisse a été obligée d'une certaine façon de se remettre non pas dans le droit chemin, mais enfin disons de prendre un autre chemin qui était le sien que celui qui était le sien auparavant, mais sous pression des banques américaines en particulier, qui ont joué un très grand rôle dans cela, et effectivement elles ne jouent pas le même rôle vis-à-vis de ce qui se passe au Delaware ou dans les Caraïbes, donc il s'agit aussi là de décisions qui sont ciblées pour pouvoir toucher plus un pays qu'un autre, et la Suisse en particulier a été particulièrement ciblée dans les 10 dernières années, Christophe Harquet. Oui, alors c'est sûr que c'est lié au rôle spécifique tout de même de la Suisse dans la gestion de fortune internationale, puisque c'est quand même, et ça reste encore aujourd'hui, en dépit des pressions, le plus gros gestionnaire de fortune transfrontalière, si vous voulez, au niveau international. Donc ils ont attaqué le gros poisson. Mais c'est aussi lié à des phénomènes de concurrence. Il faut comprendre que les banques suisses étaient devenues très importantes, même sur le marché américain. UBS était étendu sur le marché américain. Donc c'est clair que justement ces stratégies de concurrence ont pesé aussi sur ces pressions internationales. Et ça n'était pas la première fois que les États-Unis lançaient des campagnes contre les paradis fiscaux. En 61-62, ils avaient déjà, 1961-62, déjà lancé une première campagne dans ce sens-là. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est récurrent. Tous les 10-15 ans, il y avait des attaques contre le secret bancaire. Mais là, ça allait beaucoup plus loin cette fois. Les attaques duraient 2-3 ans. Il y avait quelques concessions au niveau du droit international qui n'allaient pas très loin habituellement. Mais cette fois-ci, durant la crise actuelle, en grande partie en raison de la forme de la crise financière, où d'abord il y a eu une crise financière qui s'est ensuite transmise à une crise fiscale des États, parce que les États ont dû financer les banques pour éviter qu'elles ne s'effondrent. Et donc, dans ce cadre-là, c'était très difficile de justifier que les États ne s'attaquent pas aux paradis fiscaux vis-à-vis des contribuables. Il y a une crise de légitimité, si vous voulez, des États, et ce qui a poussé à ces pressions contre les paradis fiscaux. Et puis, on peut se dire que peut-être si le Brexit intervient dans quelques mois, eh bien, Londres redeviendra ou pourrait redevenir dérégulée différemment, puisqu'elle ne serait plus dans l'Union européenne, sa place financière qui abriterait sous son chapeau différents paradis fiscaux, pas simplement l'île de Man, Jersey ou encore Guernesey, mais également des anciens dominions qui participent à l'ancien empire britannique, Christophe Harquet. D'ailleurs, on l'entend, hein, certains dirigeants britanniques le disent déjà, que ça peut être une stratégie de reconquête des marchés. Mais Londres reste, hein, pour les flux financiers offshore, un marché très important. C'est un maillon de la finance offshore, lié aussi justement à ces paradis fiscaux dans les anciennes possessions britanniques. Aujourd'hui, elle a déjà cette position-là, Londres. Alors, demain, nous parlerons du Vatican. Le Vatican, c'est pas une place bancaire, c'est pas un paradis fiscal. Bon, il y a une certaine fortune, mais on peut pas dire que c'est un paradis fiscal, en effet. Merci beaucoup, Christophe Harquet. Je rappelle que vous êtes auteur de l'histoire du paradis fiscal suisse aux presses de Sciences Po. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. Et pour terminer, nous voulions terminer parce que nous avons appris ce week-end, c'était dimanche, hier, donc la disparition de Josette Audin. Josette Audin n'était peut-être pas connue du grand public, mais elle était connue des historiennes et des historiens qui travaillent sur la guerre d'Algérie parce qu'elle avait mené, un combat de tous les instants depuis 1957 et la mort de Maurice Audin pendant la guerre d'Algérie pour voir reconnaître les auteurs, si c'était possible, de cet assassinat, de cette disparition d'abord. Et cet assassinat. Et vous faisiez partie de ces historiennes, donc Sylvie Thénault, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la guerre d'Algérie et vous avez beaucoup fréquenté Josette Audin depuis très longtemps maintenant. Est-ce que vous pouvez nous faire son portrait brièvement ? La première chose à dire, je crois, c'est que c'était une combattante, vraiment, depuis 1957, dès que les parachutistes ont arrêté son mari à son domicile le 11 juin au soir, elle n'a cessé de se battre pour savoir ce qui lui était arrivé. Pas vraiment, je ne sais pas, mais pas forcément les auteurs, mais au moins savoir d'abord où il était détenu, ce qui se passait pour lui, et ensuite savoir dans quelles circonstances il était mort. Parce que pour le coup, vous avez fait une sorte de petite inversion dans la présentation, mais c'est pas grave, mais c'est elle qui est morte aujourd'hui et son mari qui est disparu. Ah oui. Parce que le propre de la disparition, c'est bien qu'on ne sait jamais comment la mort est survenue. Et c'est un immense regret, bien sûr, que Josette et quitter la vie sans savoir ce qui s'était arrivé à son mari. Donc un combat de tous les temps. D'abord parce que le comité Maurice Audin lui doit beaucoup, la formation du comité Maurice Audin lui doit beaucoup. Et puis ensuite un combat incessant mené discrètement en écrivant au président de la République. À tous les présidents de la République. Tous les présidents de la République, et il y a eu un premier progrès avec François Hollande, qui avait fait en sorte qu'on lui communique les archives concernant son mari, militaire ou archives publiques. Et puis une reconnaissance, mais limitée, parce que François Hollande avait dit « Maurice Audin est mort durant sa détention », donc on finissait avec la version officielle qui était « Maurice Audin s'est évadé ». C'est la réponse qu'on avait faite à Josette et c'est avec ça qu'elle a dû vivre toute sa vie. Et puis jusqu'à la déclaration de 2 septembre, dont on peut espérer qu'elle lui avait apporté un peu de sérénité. Et puis c'était la déclaration d'Emmanuel Macron, vous pouvez nous la rappeler. Oui, c'est une déclaration qui reconnaît que Maurice Audin a été la victime d'un système arrestation-détention, et donc il était possible de reconnaître la responsabilité de l'État dans sa disparition, même si on ne savait pas très exactement les circonstances de son décès. Et cette reconnaissance de la responsabilité de l'État, c'est une des choses pour lesquelles Josette Audin avait combattu toute sa vie. Mais je crois que je n'oublierai jamais quand même ses premiers mots au moment où elle a découvert le texte, qui a été de dire « alors on ne saura jamais la vérité ». Et c'est bien ça qui distingue la disparition et la mort. Mais ce que dit aussi le combat de Josette Audin, et sur lequel je voulais insister avec vous brièvement, Sylvie Thénault, c'est le lien qui peut s'établir entre les témoins d'une époque et les historiennes comme vous. Vous n'êtes pas de la génération de la guerre d'Algérie, loin de là, mais vous avez donc eu des relations privilégiées avec Josette Audin et avec tous ces témoins de la guerre d'Algérie pour faire vos travaux universitaires. Et c'est vrai que il est important de dire combien des personnes qui ont vécu des événements peuvent aider les historiennes ou les historiens à faire leur travail. Oui, tout à fait. Personnellement, je ne me situe pas dans une forme de concurrence sur le passé avec les témoins. J'essaye d'avoir beaucoup de respect pour les gens qui ont vécu les événements sur lesquels je travaille, en considérant qu'ils ont leur place et leur parole, mais bien sûr, je ne suis pas la seule à raisonner comme ça. Les historiens ont quand même beaucoup changé globalement, les archives orales, les sources orales, c'est de plus en plus important, mais c'était pas de cette nature-là pour moi, honnêtement, la relation avec Josette Audin et sa famille. Il y avait aussi de la fiction, je dois le dire, même publiquement, et pour moi, finalement, l'engagement pour cette déclaration, c'était de l'histoire, de la politique et de l'affectif aussi, parce que dans la relation avec Josette Audin, il y avait évidemment la possibilité de vivre de près et de comprendre ce que signifie la disparition. Et c'est pour ça que je me suis permis de reprendre les mots. Mmh. Parce que il y a vraiment, on peut le dire, on peut le lire de façon abstraite, mais voir ce que fait à quelqu'un le fait d'avoir vu un jour disparaître et ne plus jamais savoir ce qui lui est arrivé, l'homme qu'on a épousé, parce que c'était ça quand même, c'était aussi une très belle histoire, un tout jeune couple, trois jeunes enfants. C'est très très émouvant et je dois dire que j'ai du mal à avoir une parole uniquement d'historienne ce matin. Et d'ailleurs, on ne le demande pas et il ne faudrait pas le demander parce que si on a voulu pendant longtemps faire la séparation entre histoire et mémoire, on comprend bien qu'aujourd'hui tout cela est tissé serré et qu'il est difficile justement de couper ces liens et de se dire c'est un témoin, c'était une historienne ou c'est un historien. C'est bien plus compliqué que cela, Sylvie Tenneau. Oui. Oui, c'est bien plus compliqué. Et alors, pour autant, je crois que la déclaration du mois de septembre nous ouvre aussi des perspectives. Ouvre aussi des perspectives pour la recherche historique, parce qu'un jour, il faudra faire l'histoire de cette déclaration, mais pas seulement l'histoire conjoncturelle, savoir les mois qui précèdent, quels sont les événements qui y ont conduit, mais aussi de façon plus générale, je crois, essayer d'analyser le tournant qu'elle représente et dans quelle évolution globale des politiques publiques de la mémoire de la guerre d'Algérie elle s'inscrit. Parce que je ne crois pas, avec un petit peu de recul à quelques mois, que ce soit une déclaration qui arrive de façon tout à fait étonnante. Il y a très certainement des évolutions dans la société française, mais aussi au sein de l'État, dans le rapport à ce passé. Et un jour, il faudra qu'on puisse en écrire l'histoire. Merci beaucoup Sylvie Tenneau d'avoir accepté de témoigner justement de Josette Audin, de sa vie et de son combat dans la fabrique de l'histoire de ce matin. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marseille. Pierrick Monsigny nous a accompagnés à la technique et Thomas Duter était à la réalisation. Demain, nous continuons notre série d'émissions consacrée au micro-État en nous intéressant au micro-État qu'est le Vatican.